Émile Zola, une page d'amour. Première partie, chapitre 1. La veilleuse, dans un cornet bleuâtre, brûlait sur la cheminée, derrière un livre, dont l'ombre noyait toute une moitié de la chambre. C'était une calme lueur qui coupait le guéridon et la chaise longue, baignait les gros plis des rideaux de velours, azurait la glace de l'armoire de palissandre, placée entre les deux fenêtres. L'harmonie bourgeoise de la pièce, ce bleu des tentures, des meubles et du tapis, prenait à cette heure nocturne une douceur vague de nuée. Et, en face des fenêtres, du côté de l'ombre, le lit, également tendu de velours, faisait une masse noire, éclairée seulement de la pâleur des draps. Hélène, les mains croisées, dans sa tranquille attitude de mère et de veuve, avait un léger souffle. Au milieu du silence, la pendule sonna une heure. Les bruits du quartier étaient morts. Sur ces hauteurs du Trocadéro, Paris envoyait seul son lointain ronflement. Le petit souffle d'Hélène était si doux qu'il ne soulevait pas la ligne chaste de sa gorge. Elle sommeillait d'un beau sommeil, paisible et fort, avec son profil correct et ses cheveux châtains puissamment noués, la tête penchée, comme si elle se fût assoupie en écoutant. Au fond de la pièce, la porte d'un cabinet, grande ouverte, trouait le mur d'un carré de ténèbres. Mais pas un bruit ne montait. La demi sonna. Le balancier avait un battement affaibli dans cette force du sommeil qui anéantissait la chambre entière. La veilleuse dormait, les meubles dormaient. Sur le guéridon, près d'une lampe éteinte, un ouvrage de femme dormait. Hélène, endormie, gardait son air grave et bon. Quand 2 heures sonnèrent, cette paix fut troublée. Un soupir sortit des ténèbres du cabinet. Puis, il y eut un froissement de linge, et le silence recommença. Maintenant, une haleine oppressée s'entendait. Hélène n'avait pas bougé. Mais, brusquement, elle se souleva. Un balbutiement confus d'enfant qui souffre venait de la réveiller. Elle portait les mains à ses tempes, encore ensommeillées, lorsqu'un cri sourd la fit sauter sur le tapis. « Jeanne, Jeanne, qu'as-tu? Réponds-moi » demanda-t-elle. Et, comme l'enfant se taisait, elle murmura, tout en courant prendre la veilleuse, « Mon Dieu, elle n'était pas bien, je n'aurais pas dû me coucher !» Elle entra vivement dans la pièce voisine, où un lourd silence s'était fait. Mais la veilleuse, noyée d'huile, avait une tremblante clarté qui envoyait seulement au plafond une tache ronde. Hélène, penchée sur le lit de fer, ne put rien distinguer d'abord. Puis, dans la lueur bleuâtre, au milieu des draps rejetés, elle aperçut Jeanne, raidie, la tête renversée, les muscles du cou rigides et durs. Une contraction défigurait le pauvre et adorable visage. Les yeux étaient ouverts, fixés sur la flèche des rideaux. « mon Dieu » cria-t-elle. « Mon Dieu, elle se meurt !» Et, posant la veilleuse, elle tâta sa fille de ses mains tremblantes. Elle ne put trouver le pouls. Le cœur semblait s'arrêter. Les petits bras, les petites jambes se tendaient violemment. Alors, elle devint folle, s'épouvantant, bégayant. « Mon enfant se meurt, au secours! Mon enfant! Mon enfant !» Elle revint dans la chambre, tournant et se cognant sans savoir où elle allait. Puis, elle entra dans le cabinet et se jeta de nouveau devant le lit, appelant toujours au secours. Elle avait pris Jeanne entre ses bras, elle lui baisait les cheveux, promenait les mains sur son corps, en la suppliant de répondre. un mot, un seul mot. Où avait-elle mal? Désirait-elle un peu de la potion de l'autre jour? Peut-être l'air l'aurait-il ranimée. Et elle s'entêtait à vouloir l'entendre parler. « Dis-moi, Jeanne, oh, dis-moi, je t'en prie !»« Mon Dieu, et ne savoir que faire !» Comme ça, brusquement, dans la nuit, pas même de lumière. Ses idées se brouillaient. Elle continuait de causer à sa fille, l'interrogeant et répondant pour elle. C'était dans l'estomac que ça la tenait, non dans la gorge. Ça ne serait rien. Il fallait du calme. Et elle faisait un effort pour avoir elle-même toute sa tête. Mais la sensation de sa fille raide entre ses bras lui soulevait les entrailles. Elle la regardait, convulsée et sans souffle. Elle tâchait de raisonner, de résister au besoin de crier. Tout à coup, malgré elle, elle cria. Elle traversa la salle à manger et la cuisine, appelant « Rosalie ! Rosalie ! Vite, un médecin ! Mon enfant se meurt !» La bonne, qui couchait dans une petite pièce derrière la cuisine, poussa des exclamations. Hélène était revenue en courant. Elle piétinait en chemise, sans paraître sentir le froid de cette glaciale nuit de février. « Cette bonne laisserait donc mourir son enfant ?» Une minute s'était à peine écoulée. Elle retourna dans la cuisine, rentra dans la chambre. Et rudement, à tâtons, elle passa une jupe, jeta un châle sur ses épaules. Elle renversait les meubles, emplissait de la violence de son désespoir cette chambre où dormait une paix si recueillie. Puis, chaussée de pantoufles, laissant les portes ouvertes, elle descendit elle-même les trois étages, avec cette idée qu'elle seule ramènerait un médecin. Quand le concierge eut tiré le cordon, Hélène se trouva dehors, les oreilles bourdonnantes, la tête perdue. Elle descendit rapidement la rue Vineuse, sonna chez le docteur Baudin, qui avait déjà soigné Jeanne. Une domestique, au bout d'une éternité, vint lui répondre que le docteur était auprès d'une femme en couche. Hélène resta stupide sur le trottoir. Elle ne connaissait pas d'autre docteur dans Passy. Pendant un instant, elle battit les rues, regardant les maisons. Un petit vent glacé soufflait. Elle marchait avec ses pantoufles dans une neige légère tombée le soir. Et elle avait toujours devant elle sa fille avec cette pensée d'angoisse qu'elle la tuait en ne trouvant pas tout de suite un médecin. Alors, comme elle remontait la rue Vineuse, elle se pendit à une sonnette. Elle allait toujours demander. On lui donnerait peut-être une adresse. Elle sonna de nouveau parce qu'on ne se hâtait pas. Le vent plaquait son mince jupon sur ses jambes et les mèches de ses cheveux s'envolaient. Enfin, un domestique vint ouvrir et lui dit que le docteur de Berle était couché. Elle avait sonné chez un docteur. Le ciel ne l'abandonnait donc pas. Alors, elle poussa le domestique pour entrer. Elle répétait « mon enfant se meurt, dites-lui qu'il vienne !» C'était un petit hôtel plein de tentures. Elle monta ainsi un étage, luttant contre le domestique, répondant à toutes les observations que son enfant se mourait. Arrivée dans une pièce, elle voulut bien attendre. Mais dès qu'elle entendit à côté le médecin se lever, elle s'approcha, elle parla à travers la porte. « Tout de suite, monsieur, je vous en supplie, mon enfant se meurt !» Et lorsque le médecin parut en veston, sans cravate, elle l'entraîna. Elle ne le laissa pas se vêtir davantage. Lui l'avait reconnue. Elle habitait la maison voisine et était sa locataire. Aussi, quand il lui fit traverser un jardin pour raccourcir en passant par une porte de communication qui existait entre les deux demeures, eut-elle un brusque réveil de mémoire. « C'est vrai, murmura-t-elle. « Vous êtes médecin, et je le savais. Voyez-vous, je suis devenue folle. Dépêchons-nous. » Dans l'escalier, elle voulut qu'il passât le premier. Elle n'eut pas à mener Dieu chez elle d'une façon plus dévote. En haut, Rosalie était restée près de Jeanne, et elle avait allumé la lampe posée sur le guéridon. Dès que le médecin entra, il prit cette lampe. Il éclaira vivement l'enfant, qui gardait une rigidité douloureuse. Seulement, La tête avait glissé, de rapides crispations couraient sur la face. Pendant une minute, il ne dit rien, les lèvres pincées. Hélène, anxieusement, le regardait. Quand il aperçut ce regard de mère qu'il implorait, il murmura « Ce ne sera rien, mais il ne faut pas la laisser ici, elle a besoin d'air. » Hélène, d'un geste fort, l'emporta sur son épaule. Elle aurait baisé les mains du médecin pour sa bonne parole, et une douceur coulait en elle. Mais à peine eut-elle posé Jeanne dans son grand lit, que ce pauvre petit corps de fillette fut agité de violentes convulsions. Le médecin avait enlevé l'abat-jour de la lampe, une clarté blanche emplissait la pièce. Il alla entr'ouvrir une fenêtre, ordonna à Rosalie de tirer le lit hors des rideaux. Hélène, reprise par l'angoisse, balbutiait. « Mais elle se meurt, monsieur! Voyez donc, je ne la reconnais plus !» Il ne répondait pas, suivait l'accès d'un regard attentif. Puis il dit « Passez dans l'alcôve, tenez-lui les mains pour qu'elle ne s'égratigne pas. Là, doucement, sans violence, ne vous inquiétez pas, il faut que la crise suive son cours. » Et tous deux, penchés au-dessus du lit, ils maintenaient Jeanne, dont les membres se détendaient avec des secousses brusques. Le médecin avait boutonné son veston pour cacher son cou nu. Hélène était restée enveloppée dans le châle qu'elle avait jeté sur ses épaules. Mais Jeanne, en se débattant, tira un coin du châle, déboutonna le haut du veston. Ils ne s'en aperçurent point. Ni l'un ni l'autre ne se voyaient. Cependant, l'accès se calma. La petite parut tomber dans un grand affaissement. Bien qu'il rassurât la mère sur l'issue de la crise, le docteur restait préoccupé. Il regardait toujours la malade. Il finit par poser des questions brèves à Hélène, demeurée debout dans la ruelle. « Quel âge a l'enfant ?»« 11 ans et demi, monsieur. » Il y eut un silence. Il hochait la tête, se baissait pour soulever la paupière fermée de Jeanne et regardait la muqueuse. Puis, il continua son interrogatoire sans lever les yeux sur Hélène. A-t-elle eu des convulsions étant jeune? Oui, monsieur, mais ces convulsions ont disparu vers l'âge de 6 ans. Elle est très délicate. Depuis quelques jours, je la voyais mal à son aise. Elle avait des crampes, des absences. Connaissez-vous des maladies nerveuses dans votre famille? Je ne sais pas. Ma mère est morte de la poitrine. Elle hésitait, prise d'une honte, ne voulant pas avouer une aïeule enfermée dans une maison d'aliénés. Toute son ascendance était tragique. « Prenez garde, » dit vivement le médecin, « voici un nouvel accès. » Jeanne venait d'ouvrir les yeux. Un instant, elle regarda autour d'elle d'un air égaré, sans prononcer une parole. Puis son regard devint fixe, son corps se renversa en arrière, les membres étendus et roidis. Elle était très rouge. Tout d'un coup, elle blêmit, d'une pâleur livide, et les convulsions se déclarèrent. « Ne la lâchez pas !» reprit le docteur. « Prenez-lui l'autre main !» Il courut au guéridon, sur lequel, en entrant, il avait posé une petite pharmacie. Il revint avec un flacon qu'il fit respirer à l'enfant. Mais ce fut comme un terrible coup de fouet. Jeanne donna une telle secousse qu'elle échappa des mains de sa mère. « Non, non, pas des terres !» cria celle-ci, avertie par l'odeur. « Les terres la rendent folle !» Tous deux suffirent à peine à la maintenir. Elle avait de violentes contractions, soulevées sur les talons et sur la nuque, comme pliées en deux. Puis, elle retombait. Elle s'agitait dans un balancement qui la jetait aux deux bords du lit. Ses poings étaient serrés, le pouce fléchi vers la paume. Par moments, elle les ouvrait, et, les doigts écartés, elle cherchait à saisir des objets dans le vide pour les tordre. Elle rencontra le châle de sa mère, elle s'y cramponna. Mais ce qui surtout torturait celle-ci, c'était, comme elle le disait, de ne plus reconnaître sa fille. Son pauvre ange, au visage si doux, avait les traits renversés, les yeux perdus dans leurs orbites, montrant leur nacre bleuâtre. « Faites quelque chose, je vous en supplie, » murmura-t-elle. « Je ne me sens plus la force, monsieur. » Elle venait de se rappeler que la fille d'une de ses voisines, à Marseille, était morte étouffée dans une crise semblable. Peut-être le médecin la trompait-il pour l'épargner. Elle croyait, à chaque seconde, recevoir au visage le dernier souffle de Jeanne, dont la respiration entrecoupée s'arrêtait. Alors, navrée, bouleversée de pitié et de terreur, elle pleura. Ses larmes tombaient sur la nudité innocente de l'enfant qui avait rejeté ses couvertures. Le docteur, cependant, de ses longs doigts souples, opérait des pressions légères au bas du col. L'intensité de l'accès diminua. Jeanne, après quelques mouvements ralentis, resta inerte. Elle était retombée au milieu du lit, le corps allongé, les bras étendus, la tête soutenue par l'oreiller et penchée sur la poitrine. On aurait dit un Christ enfant. Hélène se courba et la baisa longuement au front. « Est-ce fini ? » dit-elle à demi-voix. « Croyez-vous à d'autres accès ?» Il fit un geste évasif, puis il répondit « En tout cas, les autres seront moins violents. » Il avait demandé à Rosalie un verre et une carafe. Il emplit le verre à moitié, prit deux nouveaux flacons, compta des gouttes, et avec l'aide d'Hélène qui soulevait la tête de l'enfant, il introduisit entre les dents serrées une cuillerée de cette potion. La lampe brûlait très haute avec sa flamme blanche, éclairant le désordre de la chambre où les meubles étaient culbutés. Les vêtements qu'Hélène jetait sur le dossier d'un fauteuil en se couchant avaient glissé à terre et barraient le tapis. Le docteur, ayant marché sur un corset, le ramassa pour ne plus le rencontrer sous ses pieds. Une odeur de verveine montait du lit défait et de ses linges épars. C'était toute l'intimité d'une femme violemment étalée. Le docteur alla lui-même chercher la cuvette, trempa un linge, l'appliqua sur les tempes de Jeanne. « Madame, vous allez prendre froid !» dit Rosalie qui grelottait. « On pourrait peut-être fermer la fenêtre, l'air est trop vif !»« Non, non !» cria Hélène. « Laissez la fenêtre ouverte, n'est-ce pas, monsieur ?» De petits souffles de vent entraient, soulevant les rideaux. Elle ne les sentait pas. Pourtant, le châle était complètement tombé de ses épaules, découvrant la naissance de la gorge. Par derrière, son chignon dénoué laissait pendre des mèches folles jusqu'à ses reins. Elle avait dégagé ses bras nus pour être plus prompte, oublieuse de tout, n'ayant plus que la passion de son enfant. Et devant elle, affairée, le médecin ne songeait pas davantage à son veston ouvert, à son col de chemise que Jeanne venait d'arracher. « Soulevez-la un peu, » dit-il. « Non, pas ainsi. Donnez-moi votre main. » Il lui prit la main, la posa lui-même sous la tête de l'enfant, à laquelle il voulait faire reprendre une cuillerée de potion. Puis, il l'appela près de lui. Il se servait d'elle comme d'un aide, et elle était d'une obéissance religieuse, en voyant que sa fille semblait plus calme. « Venez, vous allez lui appuyer la tête sur votre épaule pendant que j'écouterai. » Hélène fit ce qu'il ordonnait. Alors, lui se pencha au-dessus d'elle pour poser son oreille sur la poitrine de Jeanne. Il avait effleuré de la joue son épaule nue, et, en écoutant le cœur de l'enfant, il aurait pu entendre battre le cœur de la mère. Quand il se releva, son souffle rencontra le souffle d'Hélène. « Il n'y a rien de ce côté-là, » dit-il tranquillement pendant qu'elle se réjouissait. « Recouchez-la, il ne faut pas la tourmenter davantage. » Mais un nouvel accès se produisit. Il fut beaucoup moins grave. Jeanne laissa échapper quelques paroles entrecoupées. Deux autres accès avortèrent à de courts intervalles. L'enfant était tombé dans une prostration qui parut de nouveau inquiéter le médecin. Il l'avait couché, la tête très haute, la couverture ramenée sous le menton, et pendant près d'une heure il demeura là, à la veillée, paraissant attendre le son normal de la respiration. De l'autre côté du lit, Hélène attendait également, sans bouger. Peu à peu, une grande paix se fit sur la face de Jeanne. La lampe l'éclairait d'une lumière blonde. Son visage reprenait son ovale adorable, un peu allongé, d'une grâce et d'une finesse de chèvre. Ses beaux yeux fermés avaient de larges paupières bleuâtres et transparentes, sous lesquelles on devinait l'éclat sombre du regard. Son nez mince souffla légèrement, sa bouche un peu grande eut un sourire vague, et elle dormait ainsi, sur la nappe de ses cheveux étalés d'un noir d'encre. « Cette fois, c'est fini !» dit le médecin à demi-voix. Et il se tourna, rangeant ses flacons, s'apprêtant à partir. Hélène s'approcha, suppliante. « Oh, monsieur » murmura-t-elle. « Ne me quittez pas. Attendez quelques minutes, si des accès se produisaient encore. C'est vous qui l'avez sauvé. » Il fit signe qu'il n'y avait plus rien à craindre. Pourtant, il resta, voulant la rassurer. Elle avait envoyé Rosalie se coucher. Bientôt, le jour parut, un jour doux et gris sur la neige qui blanchissait les toitures. Le docteur alla fermer la fenêtre. Et tous deux échangèrent de rares paroles au milieu du grand silence, à voix très basse. « Elle n'a rien de grave, je vous assure, » disait-il. « Seulement, à son âge, il faut beaucoup de soins. » Veillez surtout à ce qu'elle mène une vie égale, heureuse, sans secousses. » Au bout d'un instant, Hélène dit à son tour « Elle est si délicate, si nerveuse. Je ne suis pas toujours maîtresse d'elle. Pour des misères, elle a des joies et des tristesses qui m'inquiètent, tant elles sont vives. Elle m'aime avec une passion, une jalousie qui la font sangloter lorsque je caresse un autre enfant. » Il hocha la tête en répétant « Oui, oui, délicate, nerveuse, jalouse. C'est le docteur Baudin qui la soigne, n'est-ce pas? Je causerai d'elle avec lui. Nous arrêterons un traitement énergique. Elle est à l'époque où la santé d'une femme se décide. » En le voyant si dévoué, Hélène eut un élan de reconnaissance. « Ah, monsieur, que je vous remercie de toute la peine que vous avez prise. » Puis, ayant élevé la voix, elle vint se pencher au-dessus du lit, de peur d'avoir réveillé Jeanne. L'enfant dormait, toute rose, avec son vague sourire aux lèvres. Dans la chambre calmée, une langueur flottait. Une somnolence recueillie et comme soulagée avait repris les tentures, les meubles, les vêtements épars. Tout se noyait et se délassait dans le petit jour entrant par les deux fenêtres. Hélène, de nouveau, demeurait debout dans la ruelle. Le docteur se tenait à l'autre bord du lit. Et entre eux, il y avait Jeanne, sommeillant avec son léger souffle. « Son père était souvent malade, » reprit doucement Hélène, revenant à l'interrogatoire. « Moi, je me suis toujours bien portée. » Le docteur, qui ne l'avait point encore regardé, leva les yeux et ne put s'empêcher de sourire, tant il la trouvait saine et forte. Elle sourit aussi, de son bon sourire tranquille. Sa belle santé la rendait heureuse. Cependant, il ne la quittait pas du regard. Jamais il n'avait vu une beauté plus correcte. Grande, magnifique, elle était une Junon châtaine, d'un châtain doré à reflets blonds. Quand elle tournait lentement la tête, son profil prenait une pureté grave de statue. Ses yeux gris et ses dents blanches lui éclairaient toute la face. Elle avait un menton rond, un peu fort, qui lui donnait un air raisonnable et ferme. Mais ce qui étonnait le docteur, c'était la nudité superbe de cette mère. Le châle avait encore glissé, la gorge se découvrait, les bras restaient nus. Une grosse natte, couleur d'or bruni, coulait sur l'épaule et se perdait entre les seins. Et, dans son jupon mal attaché, échevelée et en désordre, elle gardait une majesté, une hauteur d'honnêteté et de pudeur qui la laissait chaste sous ce regard d'homme, où montait un grand trouble. Elle-même un instant l'examina. Le docteur de Berle était un homme de 35 ans, à la figure rasée, un peu longue, l'œil fin, les lèvres minces. Comme elle le regardait, elle s'aperçut à son tour qu'il avait le cou nu. Et ils restèrent ainsi face à face, avec la petite Jeanne endormie entre eux. Mais cet espace, tout à l'heure immense, semblait se resserrer. L'enfant avait un trop léger souffle. Alors, Hélène, d'une main lente, remonta son châle et s'enveloppa, tandis que le docteur boutonnait le col de son veston. « Maman, maman !» balbutia Jeanne dans son sommeil. Elle s'éveillait. Quand elle eut les yeux ouverts, elle vit le médecin et s'inquiéta. « Qui est-ce ? Qui est-ce ? » demanda-t-elle. Mais sa mère la baisait. « Dors, ma chérie, tu as été un peu souffrante. C'est un ami. » L'enfant paraissait surprise. Elle ne se souvenait de rien. Le sommeil la reprenait et elle se rendormit en murmurant d'un air tendre. « Oh, j'ai dodo. Bonsoir, petite mère. S'il est ton ami, il sera le mien. » Le médecin avait fait disparaître sa pharmacie. Il salua silencieusement et se retira. Hélène écouta un instant la respiration de l'enfant. Puis elle s'oublia, assise sur le bord du lit, les regards et la pensée perdus. La lampe, laissée allumée, pâlissait dans le grand jour.